cloche de la vie résonne. On veut tous fonder un foyer avec la personne qu'on aime. On se met à faire des projets. Où et comment réaliser nos rêves ensemble, tout partager. Difícil ser.